FSI French Revised. Dialogue number 2. Dans un petit hôtel. Dialogue for listening. Listen. Dans un petit hôtel. Que désirez-vous, monsieur? Je voudrais une chambre avec salle de bain. Vous êtes seul? Oui, pour quelques jours. Eh bien, nous avons une jolie chambre au premier étage. Voulez-vous me la montrer? La femme de chambre va vous y conduire. Il monte. Voici la chambre, monsieur. Je vous remercie. Elle me convient tout à fait. Je vais faire apporter vos bagages. C'est ça. Et réveillez-moi demain à 7 heures. Quelques jours plus tard. Vous désirez quelque chose, monsieur? Oui. Je voudrais changer de chambre. Vous n'êtes pas satisfait? Si. Mais ma famille arrive ce soir. Ah, je vois. Avez-vous des chambres communicantes? Oui, nous en avons plusieurs de libres aujourd'hui. C'est parfait. Voulez-vous remplir ces fiches? Oui, je vais les remplir tout de suite. Avez-vous la monnaie de 100 francs? Voici, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dialogue for learning. Repeat. Dans un petit hôtel. Dans un petit hôtel. Monsieur? Que désirez-vous, monsieur? Que désirez-vous, monsieur? Salle de bain. Chambre avec salle de bain. Je voudrais une chambre avec salle de bain. Je voudrais une chambre avec salle de bain. Vous êtes seul? Vous êtes seul? Oui, pour quelques jours. Oui, pour quelques jours. Premier étage. Jolie chambre au premier étage. Nous avons une jolie chambre au premier étage. Eh bien, nous avons une jolie chambre au premier étage. Eh bien, nous avons une jolie chambre au premier étage. La montrer? Voulez-vous me la montrer? Voulez-vous me la montrer? Va vous y conduire. La femme de chambre va vous y conduire. La femme de chambre va vous y conduire. Il monte. Monsieur. Voici la chambre, monsieur. Voici la chambre, monsieur. Tout à fait. Elle me convient tout à fait. Je vous remercie. Elle me convient tout à fait. Je vous remercie. Elle me convient tout à fait. Vos bagages. Apportez vos bagages. Je vais faire apporter vos bagages. Je vais faire apporter vos bagages. À 7 heures. Demain à 7 heures. Et réveillez-moi demain à 7 heures. C'est ça. Et réveillez-moi demain à 7 heures. C'est ça. Et réveillez-moi demain à 7 heures. Quelques jours plus tard. Monsieur? Quelque chose, monsieur? Vous désirez quelque chose, monsieur? Vous désirez quelque chose, monsieur? Changer de chambre. Oui, je voudrais changer de chambre. Oui, je voudrais changer de chambre. Pas satisfait? Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'êtes pas satisfait? Ce soir. Ma famille arrive ce soir. Si, mais ma famille arrive ce soir. Si, mais ma famille arrive ce soir. Ah, je vois. Ah, je vois. Communicante. Des chambres communicantes. Avez-vous des chambres communicantes? Avez-vous des chambres communicantes? Libre aujourd'hui. Plusieurs de libres aujourd'hui. Nous en avons plusieurs de libres aujourd'hui. Oui, nous en avons plusieurs de libres aujourd'hui. Oui, nous en avons plusieurs de libres aujourd'hui. C'est parfait. C'est parfait. Remplir ces fiches. Voulez-vous remplir ces fiches? Voulez-vous remplir ces fiches? Tout de suite. Je vais les remplir tout de suite. Oui, je vais les remplir tout de suite. Oui, je vais les remplir tout de suite. 100 francs. La monnaie de 100 francs. Avez-vous la monnaie de 100 francs? Avez-vous la monnaie de 100 francs? Voici, monsieur. Voici, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Dialogue for fluency. Repeat. Dans un petit hôtel. Dans un petit hôtel. Que désirez-vous, monsieur? Que désirez-vous, monsieur? Je voudrais une chambre avec salle de bain. Je voudrais une chambre avec salle de bain. Vous êtes seul? Vous êtes seul? Oui, pour quelques jours. Oui, pour quelques jours. Eh bien, nous avons une jolie chambre au premier étage. Eh bien, nous avons une jolie chambre au premier étage. Voulez-vous me la montrer? Voulez-vous me la montrer? La femme de chambre va vous y conduire. La femme de chambre va vous y conduire. Il monte. Voici la chambre, monsieur. Voici la chambre, monsieur. Je vous remercie. Elle me convient tout à fait. Je vous remercie. Elle me convient tout à fait. Je vais faire apporter vos bagages. Je vais faire apporter vos bagages. C'est ça. Et réveillez-moi demain à 7 heures. C'est ça. Et réveillez-moi demain à 7 heures. Quelques jours plus tard. Vous désirez quelque chose, monsieur? Vous désirez quelque chose, monsieur? Oui, je voudrais changer de chambre. Oui, je voudrais changer de chambre. Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'êtes pas satisfait? Si, mais ma famille arrive ce soir. Si, mais ma famille arrive ce soir. Ah, je vois. Ah, je vois. Avez-vous des chambres communicantes? Avez-vous des chambres communicantes? Oui, nous en avons plusieurs de libres aujourd'hui. Oui, nous en avons plusieurs de libres aujourd'hui. C'est parfait. C'est parfait. Voulez-vous remplir ces fiches? Voulez-vous remplir ces fiches? Oui, je vais les remplir tout de suite. Oui, je vais les remplir tout de suite. Avez-vous la monnaie de 100 francs? Avez-vous la monnaie de 100 francs? Voici, monsieur. Voici, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Dialogue for participation. You are le gérant. Begin. Je voudrais une chambre avec salle de bain. Oui, pour quelques jours. Voulez-vous me la montrer? Il monte. Voici la chambre, monsieur. Je vous remercie. Elle me convient tout à fait. Je vais faire apporter vos bagages. C'est ça. Et réveillez-moi demain à 7 heures. Quelques jours plus tard. Oui, je voudrais changer de chambre. Si, mais ma famille arrive ce soir. Avez-vous des chambres communicantes? C'est parfait.

Minuit. Il est minuit. Ma famille arrive à 3 heures. Ma famille arrive à 3 heures. À 3 heures et quart. Ma famille arrive à 3 heures et quart. À 3 heures et demie. Ma famille arrive à 3 heures et demie. À 4 heures moins le quart. Ma famille arrive à 4 heures moins le quart. À 4 heures. Ma famille arrive à 4 heures. Il est 1 heure. Il est 1 heure. 1 heure 5. Il est 1 heure 5. 1 heure 10. Il est 1 heure 10. 1 heure 15. Il est 1 heure 15. 1 heure 20. Il est 1 heure 20. 1 heure 25. Il est 1 heure 25. 1 heure et demie. Il est 1 heure et demie. 2 heures moins 25. Il est 2 heures moins 25. 2 heures moins 20. Il est 2 heures moins 20. 2 heures moins le quart. Il est 2 heures moins le quart. 2 heures moins 10. Il est 2 heures moins 10. 2 heures moins 5. Il est 2 heures moins 5. 2 heures. Il est 2 heures. Combien font 2 et 2? Combien font 2 et 2? 3 et 3. Combien font 3 et 3? 1 et 1. Combien font 1 et 1? 10 et 10. Combien font 10 et 10? 5 et 5. Combien font 5 et 5? 4 et 4. Combien font 4 et 4? 8 et 8. Combien font 8 et 8? 9 et 9. Combien font 9 et 9? This is the end of tape 1, unit 2.